aujourd'hui. Aujourd'hui, je me lève du mauvais pied. Ma boîte aux lettres me dit que mon gova fait l'objet d'une saisie. Marre de tout, marre de vivre. Sur le spliff, me ressaisis. Chez moi, la Zermi est une intime de mes amis. Autour de moi, c'est le grand vide. Mon T3 ressemble à un désert sans vie. À quand le prochain son, ce que tout le monde me dit. Mais aujourd'hui, j'ai plus la force, j'ai plus l'envie. Au jour le jour, je vis comme une impression de tomber plus bas sans jamais toucher le fond. Au fond, j'ai toujours eu un bon fond. Trop bon ou trop con, là n'est pas la question. Est-ce que dans les années à venir, qui nous feront tant souffrir, verra-t-on s'ouvrir les portes de notre avenir? Mais gardons le sourire, car y'a pire. Mon regard et mon cœur se tournent vers l'Afrique, ce pays magnifique où en fait sa carte postale ne le reflète pas vraiment. En fait, certains sont prêts à fuir pour pouvoir vivre une autre vie. Imagine-toi abandonner toute ta famille, celle qui t'encourage avec beaucoup de courage. Une fois parti, il ne leur reste que de la rage de vivre, celle qui nous anime tous, qui nous donne envie de prendre une revanche sur la vie. Mon ami, ne baisse pas les bras, crois en ce que tu fais, crois en toi. Pour t'en sortir, il n'y a que toi, tes deux bras, fais le bien et le bon choix. Trop de mépris, incompris, il y a des jours où tu dis, tu en as marre de la vie. À l'aide de calibre, tu es prêt à te la raccourcir. On les cherche, mais on ne trouve pas les raccourcis. On dit merci à monsieur Sarkozy. Mon son est royal, ce qui se passe en bas n'est pas banal. Ils nous la mettent façon anal, car on obéit au code de la rue, désobéit au code pénal. Tu veux un taf, y'en a chez les Schmitt en compta. Depuis qu'ils doivent faire leur quota, trouves-tu ça normal? La mélodie est triste, je parle de vérité, jamais je ne dramatise. Mon propre pays me paralyse, président, sois réaliste. Le mal nous attire, le diable et ses flammes nous attisent. Je suis pas en pleine déprime, au micro je m'exprime. Que ferais-je sans le rap? Vendrais-je de la coke ou du crack? Je manie le mic avec hargne, analyse cette zik qui me canalise, nous paralyse. Louons un Airbus et direction les îles. Oublions cette ville où il n'y a pas d'avenir. Faut qu'on brise ses chaînes et son emprise. Les jours sont pires, je le vois du haut de mon empire. Mais je vais dire, y'a pas pire que mourir, étouffé par le shit, noyé dans la tease. Ma toile, je tisse, négro, blanc bec et métisse. La vérité fait mal au cœur, mais faut la dire. Partout où on va, y'a du racisme. On s'accroche fièrement à nos racines, même si ma France à moi te déracine. Commençons, valorise ce qu'elle défavorise. Chez toi ou chez moi, il n'y a pas de quoi rire. 32 000, comme tout le monde, on manque de chance. En bas de l'échelle et même en bas de la France. Ce soir, elle danse, bouge ses hanches. Sur quel pied faut-il que tu danses? Ce qui t'importe, la faire grimper dans la chambre. Le coffre-fort se trouve entre les jambes. Chut, ce n'est qu'une métaphore, je suis pas méga fort, je garde la super forme. Je suis pas super fab, moi, je suis pas super fort, ok? Aujourd'hui, plus rien n'arrête les gens. Entre rêve et réalité, nos rêves sont durs à réaliser, bloqués entre les prêts, c'est du P. Es-tu prêt à grimper? Qui ne rêve pas de brasser tes billets ne verra pas sa vie se faire plier. Aujourd'hui, y'a personne à supplier. Mon cœur, mon amitié n'est pas à louer. On est frères, mais on s'est oublié. Aujourd'hui, marre de tout, envie de tout plier. Dédicace à mon quartier, escroiteur de cage d'escalier. FFAB, ZZ du P. FFAB, ZZ du P. ZZ du P.